ont bercé ton enfance sont périmés. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 5 octobre et nous souhaitons une bonne fête aux fleurs, ça vient du latin fleur, tout simplement. Fleur est pleine de vitalité, pétillante, tout feu, tout flamme, enthousiaste, une passionnée au regard de la caractérologie, pas facile à dire. Très explosive, son hyper-émotivité l'a fait passer pour un kaléidoscope émotionnel étonnant. Alternance du rire et des larmes, de l'emballement le plus déraisonnable et de la colère la plus injustifiée en quelques secondes. Généreuse, elle possède un caractère entier et a horreur des demi-mesures. Pour elle, tout est blanc ou noir. Le gris ne fait pas partie de son arc-en-ciel, ni la diplomatie de ses qualités essentielles. Elle a une grande soif de pouvoir au point d'en abuser parfois. Autoritarisme et dirigisme étant étroitement liés. Son dynamisme et son besoin d'action font qu'elle ne sait pas rester inoccupée ou oisive. Elle possède un trop-plein d'énergie qui, s'il n'est pas canalisé, se transformerait vite en agressivité et en brutalité. Dicton du jour, quand arrive la Sainte Fleur pour aller au verger, ce n'est plus l'heure. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale des enseignants, la journée mondiale du sourire, et au Portugal c'est Implantação da República, célébrant la proclamation de la République portugaise. Et ça s'est passé un 5 octobre 1908, indépendance de la Bulgarie, 1910, proclamation de la République portugaise, 1962, c'était la publication en Grande-Bretagne du titre Love Me Do, qui fut le premier single des Beatles. Et la même année avait lieu également l'avant-première mondiale à Londres de James Bond 007 contre Dr No. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec Marie Laforêt et le titre Viens, viens, viens. Viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens. N'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venu te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, au septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant semble, viens, viens. Vous y dormirez. Oh, viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, pas pour moi mon père. Viens, viens, reviens pour ma mère. Viens, viens, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, la forêt sur RGM, presque 8h36. On parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 5 octobre 1939, naissance de Marie Laforêt, chanteuse française. 1944, naissance de Michael Ende, acteur allemand connu pour le rôle du commissaire Gerd Hemmann dans la série télé Le Renard, diffusée de 1977 à 2016. 1947, naissance de Brian Johnson, chanteur britannique, membre du groupe AC/DC de 1981 à 2016. Et on va s'écouter tout de suite un extrait de leur titre Thunderstruck. Voilà pour l'extrait d'AC/DC. On continue. 1951, naissance de Karen Allen, actrice américaine connue pour son rôle de Miss Dunn dans Malcolm X et son rôle de Marion Ravenwood dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. 1955, naissance de Caroline Loeb, chanteuse française. 1960, naissance de Daniel Baldwin, acteur américain vu dans Né un 4 juillet. La série télé Les Sopranos, Cold Case Affaires classées pendant 7 épisodes dans le rôle de Moe Kitchener ou encore 2 épisodes d'Hawaii 5-0 dans le rôle de Paul Delano. 1963, naissance de Sophie Favier, animatrice télé française. 1967, naissance de Guy Pearce, acteur australien, vu dans Le discours d'un roi, dans le rôle d'Edouard, prince de Galles et futur Édouard VIII, et vu également dans Iron Man 3, dans le rôle du docteur Aldrich Killian. 1970, naissance de Josie Bissett, actrice américaine connue pour son rôle de Jane Andrews dans la série télé Melrose Place, ainsi que Melrose Place Nouvelle Génération, vu aussi dans La vie secrète d'une ado ordinaire dans le rôle de Kathleen Smith Bowman et dans le téléfilm Mariée, 8 enfants. 1975, naissance de Parminder Nagra, actrice britannique, vue dans Jula comme Beckham dans le rôle de Jess Cor Bamra, à la télé dans Urgence dans le rôle du docteur Nila Rasgotra, The Blacklist dans le rôle de l'agent de la CIA Mira Malik, NCIS Los Angeles, Marvel les agents du SHIELD ou encore 13 Reasons Why. C'est également l'année de naissance de Kate Winslet, actrice britannique vue dans Raison et Sentiment, Hamlet, Titanic, dans le rôle de Rose DeWitt Bucketer jeune, vue aussi dans Iris dans le rôle d'Iris Murdoch jeune, The Holiday dans le rôle d'Iris Simpkins, Les Noces Rebelles, The Reader dans le rôle d'Anna Schmitz qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, Contagion dans le rôle d'Erin Mears, Divergente 1 et 2 dans le rôle de Janine Matthews, Steve Jobs dans le rôle de Johanna Hoffman, Beauté cachée dans le rôle de Claire Wilson. Elle sera à l'affiche d'Avatar 2, sortie prévue pour 2020, dans le rôle de Ronald. 1976, naissance d'Alessandra Sublet, animatrice télé française. 1978, naissance de James Valentine, guitariste américain du groupe Maroon 5. 1980, naissance de Paul Thomas, bassiste américain, membre du groupe Good Charlotte, dont on écoute tout de suite un extrait du titre The Anthem. But every Voilà pour les Good Charlotte. On continue. 1983, naissance de Jesse Eisenberg, acteur américain vu dans Le Village. Bienvenue à Zombieland, The Social Network, dans le rôle de Mark Zuckerberg. To Rum With Love, Batman vs Superman, l'aube de la justice, dans le rôle de Lex Luthor. Insaisissable 2, dans le rôle de Daniel Atlas. Et la série télé La Famille Green, hein, dans le rôle de Kenny Green. C'est également l'année naissance de Nikki Hilton, mannequin et styliste américaine, à la sœur de Paris Hilton. Et aussi naissance de Florian Mayer, joueur de tennis allemand qui a fait carrière de 2001 à 2018, qui en simple a été 18e mondial, c'était en 2011, quart de finaliste à Wimbledon, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, 16e de finale à l'US Open et 32e de finaliste à Roland-Garros. Et en 2011, il avait remporté une World Team Cup. En 1918, décédé Roland-Garros, aviateur français, lieutenant-pilote de la Première Guerre mondiale. En 1992, décédé Eddie Kendricks, chanteur américain du groupe The Temptations, de 1961 à 1971, ainsi qu'en 1982. Et on va écouter un extrait de leur titre « My Girl ». Voilà pour le groupe The Temptation. En 2011, décédé Steve Jobs, entrepreneur informaticien américain. Et en 2012, décédé Claude Pinotto, réalisateur et scénariste français, à qui l'on doit entre autres La Gifle, La Boom 1 et 2 ou encore L'Étudiante. Allez, tout de suite, on écoute Caroline Loeb avec le titre C'est la Watt. Paresseuse, est-ce vraiment la paresse? Ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Elle est pensive en négligé de soi. C'est la ouate. Pas bosseuse et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, Caroline Loeb sur le 107FM, un peu plus de 8h48. Et on fait tout de suite un point sur la météo. La météo. Belle journée ensoleillée encore qui nous attend aujourd'hui, des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 22 et jusqu'à 24 degrés pour cet après-midi. Samedi, ce sera encore une journée ensoleillée, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 22 et 23 degrés l'après-midi. Et dimanche, ce sera plutôt mitigé, hein, beaucoup de pluie au programme, peut-être quelques éclaircies pour dimanche après-midi, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 15 et 16 degrés prévues pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Tennis tout d'abord avec le tournoi de Pékin. Il n'y a plus de Françaises en compétition après l'élimination hier de Caroline Garcia en 3-7 face à Sabalenka. 5-7, 7-6, 6-0. À Tokyo, Richard Gasquet s'est qualifié en 2-7 face à Kyrgios. 7-6, 7-6. Il affrontera aujourd'hui Kevin Anderson. Un mot de football avec l'Europa League. C'était pas une très bonne soirée pour nos clubs français. Rennes s'est incliné 2-0 à Astana. Bordeaux s'est incliné à domicile face à Copenhague. 2-1 et Marseille a fait match nul, 2-2 à l'Apollo Limassol. On va parler de la liste de Didier Deschamps qui a été dévoilée hier pour les prochains matchs des Bleus, et notamment le prochain, eh bien ça approche, hein, c'est le 11 octobre prochain à Guingamp, France-Islande en match amical. Il y aura ensuite le 16 octobre France-Allemagne en Ligue des Nations, et après ce sera au mois de novembre. Alors en gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda, défenseur Lucas Digne, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Mamadou Sakho qui fait son retour, Djibril Sidibé, Raphaël Varane, Kurt Zouma, milieu de terrain N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Tanguy Ndombele, Steven Nzonzi et Paul Pogba, et côté attaquant Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et enfin Florian Thauvin. Voilà donc pour la liste des Bleus. En Ligue 1, ce soir, Toulouse reçoit Nice. Samedi, Lille recevra Saint-Étienne, Amiens, Dijon, Angers, Strasbourg, Guingamp, Montpellier, Nîmes, Reims. Et dimanche, Bordeaux recevra Nantes, Marseille, Caen, Monaco, Rennes. Et on terminera avec PSG, Lyon. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace à Lorient et Metz joue lundi soir à Sochaux. En National 2, samedi, Épinal se déplacera à Créteil. En National 3, samedi toujours, Thaon-les-Vosges se déplacera à Bischheim. Et Raon-l'Étape recevra le club d'Aglo-Troyenne. En basket, en National 1, ce soir, le Jet Vosges reçoit Saint-Vallier. Il y aura de la Formule 1 ce week-end avec le Grand Prix du Japon. Et on termine avec du hockey sur glace samedi soir. Déplacement pour Épinal en Coupe de France à Dijon. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Maroon 5 et leur titre Girls Like You. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. On the last flight to you, I took a whole day up, trying to get way up, ooh.